Les petites histoires de Tell Me. Pour cette histoire, mélangez un lit, une couette, une nuit agitée et vous obtiendrez une ombre dans la nuit. Dehors, la nuit vit, pleine de bruit et de lumière. Dans ma chambre, elle fait froid dans le dos. Elle fait glisser des ombres inquiétantes tout autour de moi. Alors je me cache sous ma couette. Je pourrais la chasser en allumant la lumière, mais je devrais tendre la main hors du lit. Et c'est hors de question. Sur mes murs, l'ogre au sourire mauvais, la sorcière sur son balai et le dragon aux dents aiguisées guettent la moindre occasion de me croquer. Soudain, je sens quelque chose bondir sur mon lit. C'est un chien noir, comme la nuit. Je frissonne si fort que j'en claque des dents. Pourquoi as-tu peur comme ça? Impossible de parler. Tu crois que je vais te manger? Hochement de tête tremblante. Je préfère dévorer les ombres, surtout les bizarres et les qui font peur. Et chez toi, il y en a des tas. Sois tranquille. Au matin, quand les rayons de lumière m'ont léché le bout du nez, une peluche toute noire reposait à mes côtés.